Est-ce la démocratie qui a été assassinée avec la mort de Benazir Bhutto, comme l'ont écrit hâtivement certains commentateurs qui n'ont pas hésité à faire un parallèle entre ce meurtre et celui du commandant Massoud. Certes, Benazir représentait encore un espoir pour son pays, mais sous la pression de Washington, elle avait abdiqué une partie de ses convictions en acceptant de faire casaque commune avec le général-président Pervez Musharraf, représentant de la caste militaire qui a pendu son père, Ali Bhutto. S'agissait-il uniquement de satisfaire sa soif du pouvoir après deux échecs successifs en tant que premier ministre du Pakistan, ou bien y avait-il chez elle une réelle volonté de transformer son pays et de le faire évoluer vers la démocratie? Certes, Benazir était une ambitieuse, mais l'ambition n'est-elle pas le moteur qui fait agir les femmes et les hommes qui aspirent à diriger leurs concitoyens? Alors chez elle, quelle était la part de l'ambition et celle de la sincérité? La semaine dernière, M. X a évoqué la figure de son père, Ali Bhutto, héritier d'une grande famille féodale, porteur d'idées généreuses, démocratiques et même socialistes. Cet homme n'a pourtant pas appliqué son programme et a même contribué à précipiter son pays dans un obscurantisme islamiste qui produit aujourd'hui de terribles effets. M. X poursuit donc son récit et dévoile la vérité sur la famille Bhutto, une histoire qui n'est pas sans rappeler celle des Atrides. Les années qui suivent la pendaison de son père en 1979 sont très dures pour Benazir. Elle est tantôt emprisonnée, tantôt en résidence surveillée. Tandis que ses frères et sa mère, la Begum, ont pu rejoindre l'Europe. Begum, c'est un titre nobiliaire, ça, non? En Hindoustan, la Begum est en effet l'épouse du souverain. Mm-hmm. Bhutto était donc considéré comme un seigneur. Exactement. Et rappelez-vous, son père avait été anobli par le colonisateur. Le chef du clan avait pratiquement droit de vie ou de mort sur ses sujets. C'est-à-dire non seulement les domestiques qui travaillaient pour lui, mais aussi tous les paysans qui cultivaient son gigantesque domaine agricole. C'était donc des serfs. Ah, même si cette situation n'avait aucun statut légal, c'était effectivement la tradition. Mais je poursuis. En 1984, Benazir, qui a fait ses études à Harvard, puis à Oxford, profite d'un relatif assouplissement du régime pour partir à Londres. Un régime militaire, hein. Où elle rejoint sa famille. Hein. Oui, à l'exception de l'un de ses frères. Shanarvaz Bhutto, qui réside en France sur la Côte d'Azur depuis 1980. Côte d'Azur, grâce à la fortune de la famille? Bah, naturellement. Mmh. C'est un frère cadet de Benazir. Hein. Oui, oui, et Benazir reste le chef du clan. C'était d'ailleurs la volonté clairement exprimée par son père lors de la longue détention qui a précédé son exécution. Mmh. Mais le fait qu'elle soit une femme dans un pays musulman... Ali Bhutto ne veut pas en tenir compte. Mmh. Et la famille accepte? Bien obligé. Mais ça provoquera plus tard de sérieux tiraillements. Parce que, oui, Benazir a des frères. Hein. Deux frères, oui. Et une mère, la Begum Nusrat. Mais n'allons pas trop vite. Bah, comme d'habitude, hein. En tout cas, Benazir a toujours été la chouchou de son père qui l'a préparé à exercer un jour le pouvoir. Ainsi, toute jeune fille, elle a eu le privilège de rencontrer quelques-uns des grands de ce monde. Chuan Lai, Henry Kissinger ou encore Indira Gandhi. Mmh. Une sorte d'apprentissage. Hein. Dans l'esprit de son père, exactement. Et la jeune Benazir prend cela très au sérieux. Dès que son père est pendu, elle se vit comme l'incarnation des idées de son père. Son devoir est de poursuivre l'œuvre paternelle. Une œuvre qu'il n'a pu mener à bien. Alors, il y a la démocratisation, la réforme agraire, les nationalisations, etc. Oui, oui, en même temps, au risque de me répéter, puisque nous en avons déjà parlé la semaine passée, il faut souligner que malgré ce programme social généreux qui lui a valu l'inimitié de tous les membres de sa caste, Ali Bhutto a aussi semé des graines inquiétantes qui ne demanderont qu'à germer. Ainsi, c'est lui qui, pour se concilier les islamistes, a amorcé la mise en place de la loi islamique. La charia. Et aussi, ce qui n'est pas rien, il a initié les recherches nucléaires dans le but de construire la première bombe islamiste. Mmh. L'héritage, je parle pour Benazir, l'héritage est donc lourd à porter. Hein. D'autant qu'on attribue aussi à Bhutto la perte de la partie orientale du pays. Le Bangladesh. Oui, mais Benazir est sûr d'elle. Et d'abord parce que son père est mort en martyr. Ce qui transcende tous les aspects négatifs du passage au pouvoir d'Ali Bhutto. Alors, reprenons la chronologie. Benazir recouvre donc la liberté en 1984 et se fixe à Londres, dans sa famille. Mais un an plus tard, au mois de juillet, le destin rattrape le clan. Narvaz, frère cadet de Benazir, est retrouvé mort dans sa villa cannoise. Et de quoi est-il mort, là ? Les premières constatations effectuées par la police font penser à un empoisonnement par un produit toxique aux effets foudroyants. Et les analyses des viscères du fils Buteau mettront assez difficilement en évidence la présence d'une substance proche de l'acide cyanhydrique. Et c'est alors qu'on apprend que Shah Narvaz Buteau portait habituellement sur lui un étui contenant un échantillon de ce poison. Mais pourquoi, là ? La vérité, je n'en sais rien. Mais on peut imaginer qu'il avait l'intention de se suicider si, par exemple, des sbires du général Ziaou Haq tentaient de l'enlever. Mais ça n'est qu'une hypothèse. Tenez, là, Narvaz, là, avait-il des activités politiques ? Oui, il faisait partie, avec son frère Murtaza, d'un groupe clandestin, Al-Zulfikar. Ouais. Zulfikar, en mémoire de son père qui se prénommait Ali Zulfikar. C'est évident. Hein, ouais. Ce groupe clandestin prônait la lutte armée contre le régime de Ziaou Haq. Et avait déjà perpétré plusieurs dizaines d'attentats au Pakistan et même un détournement d'avion. À Islamabad, on le soupçonnait en outre d'être lié à la Libye et à la Syrie. Oui, une organisation terroriste, donc. Et considérée comme telle par les autorités pakistanaises. Alors, Narvaz aurait pu être victime d'un assassinat politique commandité par les autorités pakistanaises ? Ça n'est nullement exclu, même si rien n'a pu être prouvé. Encore plus intriguant. Et le fait que son épouse dormait dans la pièce voisine, Rehana, déclare d'abord qu'elle n'a rien entendu. Mais interrogée par le juge d'instruction qui a été désigné, elle finit par admettre qu'elle a entendu des gémissements, mais qu'elle n'a pas bougé. Ah, elle doit être inculpée alors pour non-assistance à personne en danger. D'autant que les experts reviennent sur leur première conclusion. Narvaz n'a pas été foudroyé par le poison, mais il a longuement agonisé. Donc sa jeune épouse aurait pu lui porter secours. Et l'on apprend alors que la jeune femme d'origine afghane n'a jamais été acceptée par la famille Buteau et qu'elle ne s'entendait plus avec son mari. Il s'agirait alors d'un problème conjugal. Apparemment. Et on pourrait l'expliquer ainsi, d'une façon un petit peu théâtrale, Shah Narvaz décide de faire peur à sa femme. Il manifeste l'intention de se suicider, avale du poison devant son épouse, mais celle-ci, au lieu d'appeler les urgences, le laisse mourir. Toutefois, là encore, vous imaginez, hein ? Oui, ça je le reconnais. Quoi qu'il en soit. La mort de Narvaz n'a jamais été éclaircie. Rehan Buteau, incarcéré un temps, a été remise en liberté après avoir payé une caution. Mais on ne l'a pas revue en France, car elle n'est jamais venue à son procès. Mmh, ah bon. Dernière question à propos de ce drame. Hein. Mmh. La famille Buteau aurait-elle pu jouer un rôle dans cette affaire ? Parce que Rehana n'a jamais été reconnue par le clan ? Bah, eh bien, je suis désolé, mais je l'ignore. Il n'empêche, au sein de la famille... disparaissait ainsi un personnage qui aurait pu disputer sa couronne à Benazir. Écoutez, là, pardonnez-moi, mais enfin, vous allez peut-être un peu loin. Cependant, il en ira autrement lorsque le deuxième frère de Benazir, Murtaza, trouvera la mort. Mais n'allons pas trop vite, c'est bien ça. Bon, écoutez, je préfère ne rien dire. La dépouille de Narvaz est rapatriée au Pakistan. Toute la famille assiste aux obsèques. Toute la famille, y compris Benazir, donc. Et ça lui vaut d'être arrêté par les militaires et d'être placé à nouveau en résidence surveillée pendant 2 longs mois. Et à sa libération, elle se rend devant le magistrat français qui instruit le dossier de la mort de son frère. Ouais, mais j'imagine qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Naturellement, puisqu'elle se trouvait à Londres. Mais au nom de la famille, elle demande que tout soit fait pour élucider cette affaire. Qui n'aboutira jamais. C'est la vérité. Le clan Buteau demeurera persuadé que Narvaz a été assassiné par les services secrets pakistanais. Et c'est tout à fait possible, si l'on tient compte des activités politiques du jeune homme. Et dans ce cas, sa jeune femme aurait très bien pu être complice du ou des tueurs. Ce qui expliquerait sa fuite. Éventuellement. Mais je poursuis. À peine un an plus tard, Ziaul Haq lève la loi martiale et autorise de nouveau les activités politiques. Après presque 10 ans de dictature... Benazir en profite aussitôt pour revenir au Pakistan. Un retour triomphal, à l'image de la tournée qu'elle effectue dans tout le pays. Et déjà, comme le président Ziaul Haq vient d'annoncer la tenue prochaine d'élections libres, on la voit remporter haut la main, cette consultation. Mmh. Et quand ces élections législatives là, sont-elles prévues ? En 1988. Et là, on va assister à un petit tour de passe-passe assez amusant. Je vous explique. Dès l'année de son retour, Benazir se marie. À 33 ans, vivant dans un pays musulman, Elle y est presque obligée pour faire bonne figure. Mmh. Et le mari ? Attendez, je vous en parlerai un peu plus tard, car il va jouer un rôle considérable dans la vie de Benazir Bhutto, et sans doute pas celui qu'elle aurait souhaité. Mariée, elle ne tarde pas à faire savoir qu'elle attend un enfant. La naissance est prévue pour le mois de novembre 1988. Aussitôt, sautant sur l'occasion, Zia Ul Haq fixe la date des élections à cette date. Ah oui, en se disant que Benazir aurait alors autre chose à faire que de s'occuper du processus électoral. Bah, évidemment. Mais hasard ou petite manœuvre bien calculée, Benazir accouche 2 mois plus tôt. À l'occasion de l'assassinat de Benazir Bhutto, le journal Le Monde, comme beaucoup d'autres quotidiens, a consacré une page entière à un portrait de la nouvelle martyre. J'en extrais ces lignes. Voici l'histoire de Pinky, belle enfant rose pâle, née le 21 juin 1953, avec une cuillère en or dans la bouche, des bataillons de serviteurs enturbannés à son service et des régiments de serfs disséminés sur un domaine familial vaste comme un département français. La plus célèbre dynastie féodale et politique du Pakistan a été créé au XIXe siècle par l'arrière-grand-père, un Samindar, un grand propriétaire terrien du Sindh, berceau de la famille, et future province pakistanaise avec Karachi pour capitale. Plus tard, le fils de celui-ci sera anobli par le colonisateur britannique pour service rendu, et le domaine familial encore agrandi. Zulfikar, le père de la princesse, sera usé de ce pédigré dans sa fulgurante carrière. Benazir est son premier enfant. Elle sera la favorite des 4 qu'il aura finalement avec son épouse d'origine kurde iranienne, la Begum Nusrat. Elle est chiite, il est sunnite, mais aucun des deux n'est véritablement pratiquant. Éduqué dans un couvent chrétien, puis à Harvard et enfin à Oxford, Benazir Bhutto pourra bien rentrer le 18 octobre, en serrant un Coran dans ses bras. Chacun sait bien au Pakistan que la princesse ne portait que pour la galerie le dubata, ce voile blanc arachnéen dont elle couvrait sa luxuriante chevelure. « Elle a tout appris de son père », écriront ses biographes d'un air entendu. C'est un fait avéré. Zulfikar Bhutto, jusqu'à la veille de sa mort dans cette sordide cellule de Rawalpindi, où Benazir ira recueillir ses dernières volontés, souhaitait ardemment que sa Pinky adorée prenne sa suite en politique. Alors cet accouchement-là, était-il réellement prématuré ou bien Benazir a-t-elle triché sur les dates ? Je ne sais pas, mais avouez que ce n'est pas mal joué, parce que Benazir Bhutto peut ainsi faire campagne. Et elle va gagner les élections. Et devenir Premier ministre. Et puis entre-temps, vous le savez, il y a eu la mort de Zia Ul Haq au mois d'août. Oui, dans un accident d'avion qui dissimulait sans doute un attentat. C'est en tout cas ma conviction. Électoralement, Benazir est donc gagnante. Mais il faut toutefois mettre un bémol. Le PPP, le parti de Benazir, n'a pas obtenu une majorité absolue. Et pour gouverner, la jeune femme doit constituer une coalition de petits partis, ce qui ne manquera pas à terme de la fragiliser si l'un de ses partenaires vient à lui manquer au moment d'un vote crucial. Et bien souvent, Benazir se trouvera ainsi paralysée. Par conséquent, elle échoue à réformer. Oui, et puis elle doit faire face à plusieurs révoltes. Qui ? Le Pakistan est un pays profondément divisé, miné par les particularismes locaux et ethniques. Et puis il y a la question des immigrés qui n'a jamais été résolue. Ces gens qui s'appellent des Mohajirs et qui ont choisi le Pakistan au moment de la partition et dont certains vivent encore dans des camps de réfugiés. Ils se révoltent régulièrement et en 1990, l'un de ces soulèvements est réprimé dans le sang. Alors, sur ordre de Benazir Bhutto ? Difficile à dire, mais c'est elle qui est au pouvoir, donc qu'elle doit assumer. Au reste, il faut bien dire que dans sa pratique gouvernementale, Benazir est autoritaire et intransigeante. Cependant, elle se garde bien d'accorder à l'armée les pleins pouvoirs qu'elle réclame. Les pouvoirs que l'armée récolte pour mater ses révoltes ? En effet. Mmh. Mais d'une façon générale, l'armée reste omniprésente grâce au président du Pakistan, Ishaq Khan, qui défend ses intérêts en toute occasion. Mmh, les intérêts de l'armée. Benazir n'est donc pas libre. C'est ça. Mmh. L'armée lui a même imposé un ministre des Affaires étrangères. Et puis, il y a l'ISI, le service de renseignement de l'armée. un service quasi autonome qui agit comme il l'entend. Sans en référer au pouvoir. C'est ainsi qu'en Afghanistan et au Cachemire, l'ISI soutient activement les islamistes les plus déterminés et contribue même à les armer. Alors, Benazir est impuissante. Pratiquement. Certes, après avoir découvert un complot ourdi contre elle, elle limoge le chef de l'ISI. Mais les mauvaises habitudes perdurent. Le service de renseignement pakistanais, et c'est encore valable aujourd'hui, est un véritable état dans l'état infiltré par les fondamentalistes islamiques. Alors même que la politique officielle du Pakistan, fidèle allié des États-Unis, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est exact. Benazir Bhutto doit aussi lutter pied à pied contre un redoutable adversaire politique qui a les faveurs de l'armée. Nawaz Sharif, le leader du Punjab et le dirigeant de la Ligue musulmane. Un ennemi implacable, comme l'est la rivalité entre les Bhutto et les Sharif. Expliquez. Le père de Nawaz, un riche industriel punjabi, a perdu une partie de ses biens lors des nationalisations opérées par le père de Benazir, d'où la haine entre les deux clans. Et c'est d'ailleurs Nawaz Sharif qui va finir par triompher de son adversaire Benazir. Oui, au moins provisoirement. Ouais. À cela s'ajoutent les fautes personnelles commises par Benazir elle-même. Quoi ? Le népotisme d'abord. Dès son accession au poste de Premier ministre, la jeune femme a placé quelques-uns des siens à des postes importants. Sa mère, la Begum, a même été nommée ministre sans portefeuille. Puis enfin, il y a la corruption. Et là, il me faut parler du mari de Benazir que certains n'ont pas hésité à présenter comme son mauvais génie. Alors, je vous repose la question, là. Qui est cet homme ? Azif Ali Zardari, jeune homme au physique avantageux, est issu de la bonne société de Karachi. C'est un playboy. Surtout connu pour ses performances comme joueur de golf et de polo. Ouais. Et m'avez-vous dit, Benazir s'est mariée parce qu'aux yeux de l'islam, elle ne pouvait pas rester plus longtemps célibataire. Ah, il n'empêche que cette union obligée portera des fruits. Benazir et son mari vont avoir 3 enfants. Alors, amour ou pas, peu importe. La jeune femme donnera toujours l'impression d'être une épouse dévouée à son mari, même quand Azif connaîtra la prison. Zardari, il faut le dire tout de suite, n'a été accepté que du bout des lèvres par le clan Bhutto. Quoi, son côté playboy ? Sans doute. Mais pour la famille, c'était aussi un intrus qui risquait un jour de nourrir des ambitions politiques en tant qu'époux de Benazir. Ça, il n'en était pas question. Voilà. Mais tenu en marche par le clan, Zardari prend sa revanche en profitant des avantages de sa position de prince consort. Usant de son influence auprès de la première dame du pays, il fait des affaires. Tant et si bien qu'on ne tarde pas à le nommer Monsieur 10%. 10%. Et Benazir laisse faire. Oui, et c'est ça le plus extraordinaire, car elle ignore rien des malversations de son époux. Elle aurait pu divorcer. Ah, mais la religion le lui interdisait. Elle se devait d'être une épouse obéissante telle que l'islam le réclame. N'a donc rien voulu voir. Mais a commis là une erreur considérable, parce que, inévitablement, les soupçons de corruption ont aussi rejailli sur elle. Peut-être était-elle complice. Ça, je n'en sais rien. Il est vrai qu'au cours de ce premier gouvernement de Benazir Bhutto, la fortune du clan n'a fait que s'accroître. En tout cas, pour toutes ces raisons que j'ai développées, il est clair que Benazir ne pourra plus rester très longtemps au pouvoir. Et effectivement, elle ne va pas tarder à être débarquée par le président pakistanais. Avec quels arguments alors ? En mai 1990, de nouveaux affrontements opposent les Mojahirs aux forces de l'ordre. Jugeant que Benazir est incapable de remédier à ses troubles, Benazir qui a en outre refusé que l'armée s'en mêle, Ishaq Khan la démet purement et simplement. Et c'est son ennemi, Nawaz Sharif, qui va être appelé au poste de Premier ministre. Si je vous ai bien écouté là, le bilan de ce premier gouvernement de Benazir Bhutto est guère brillant. C'est vrai, mais je vous ai aussi signalé tous les obstacles qu'on a mis sur son chemin. Cependant, il est au moins un point positif qu'il faut lui reconnaître. Le rapprochement avec l'ennemi héréditaire. L'Inde. Oui. Benazir a eu le courage de recevoir à Islamabad son jeune homologue Rajiv Gandhi. C'était la première fois depuis la partition qu'un premier ministre indien se rendait au Pakistan. Ah ouais. Résultat concret ? Un important accord de non-agression sur les installations nucléaires a été signé. C'était un très bon début, une amorce de paix. Mais dès 1990, cet accord volera en éclats. Donc, après la révocation de Benazir. Oui. Hein, après cette défaite, là, Benazir Bhutto n'abandonne pas le combat. Hein. Ah, bien au contraire. Et elle est décidée à prendre sa revanche lors des élections législatives de 1993. Mais cette fois, les difficultés qu'elle rencontrera vont venir de son propre camp. c'est-à-dire de l'intérieur même du puissant clan Buteau. Benazir Buteau est plus populaire à l'étranger que chez elle. Telle est la conclusion d'un sévère article du Sunday Times paru en 1994. En voici un extrait. Ce qui, chez Benazir Buteau, plaît aux Occidentaux, laisse nombre de ses compatriotes sur leur faim. Elle maîtrise peut-être parfaitement l'anglais, mais on ne peut pas en dire autant de son ourdou qu'elle parle comme un étranger doué pour les langues. Certes, elle n'a aucun mal à exprimer sa pensée, mais elle commet des fautes de grammaire, elle confond les singuliers, les pluriels, les genres et les temps. Son Sindhi, qui a été la langue maternelle de sa famille pendant plusieurs générations, est encore plus pitoyable. Hormis quelques impératifs et une poignée de formules de politesse, on ne peut rien obtenir d'elle. Ses détracteurs lui reprochent, non sans raison, d'être plus britannique que pakistanaise, plus occidentale qu'orientale. Il y a plus grave. Si elle excelle dans le style politique qui passe si bien sur les écrans de télévision occidentaux, si elle se montre combative dans ses discours, elle est moins compétente entre les quatre murs de son bureau. Selon ses opposants, elle n'a pas de programme et ne défend aucune philosophie politique clairement définie. Elle n'est pas socialiste, à l'inverse de son père, mais elle n'est pas pour autant une adepte du monétarisme. Faute de projets précis, l'exercice du pouvoir lui fait perdre de son allant. Elle gaspille son énergie en manœuvres politiciennes au lieu de se consacrer à la gestion des affaires du pays. Pour ses détracteurs, c'est une intellectuelle du dimanche qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire. Alors que se passe-t-il au sein du clan Buteau ? La difficulté vient du frère encore vivant. Murtaza, réfugié en Afghanistan, il était toujours sous le coup d'une condamnation pour sa participation supposée dans le détournement d'un avion en 1981. Avec ce fameux groupe Zulfikar. C'est ça. Ouais. Lorsque sa sœur est devenue Premier ministre, Murtaza a espéré voir annuler sa condamnation. Mais si Benazir a essayé d'agir effectivement dans ce sens, Murtaza lui a toutefois reproché de ne pas avoir tout fait pour le blanchir, car sa condamnation demeure effective. Et bientôt, il va agir comme un opposant. Opposant à sa sœur. Exactement. Ouais. Et il revendique haut et fort la présidence du parti familial, le PPP. Mais il se trouve toujours en Afghanistan, non ? Non, plus pour longtemps. En tout cas, Murtaza a bien préparé son affaire. Déjà, lors des élections de 1988, il a fait élire quelques-uns de ses partisans dans le Sindh. Le Sindh, c'est la région, le fief Buteau. Hein. C'est une sorte de provocation envers sa sœur. Ça y ressemble. Et un peu plus tard, alors que les Pakistanais sont à nouveau appelés aux urnes, Murtaza rentre dans son pays et fait acte de candidature au Parlement. Ouais. Mais il est arrêté, non ? Évidemment, puisqu'il est sous le coup d'une condamnation par contumace, ce qui ne l'empêchera pas d'être élu. En même temps, il se produit un autre divorce dans la famille Buteau. La Begum, qui a toujours été le meilleur soutien de Benazir, prend soudain le parti de son fils. Et Murtaza, donc. Ouais. Elle estime en effet que, selon la loi musulmane, c'est un homme qui doit prendre la tête du clan et donc du parti. Bah écoutez, elle aurait pu s'en apercevoir plus tôt, non ? Alors la voilà adversaire de sa fille. Et la brouille familiale ne va cesser de s'envenimer. Benazir gagne les élections, mais sa majorité est encore plus relative qu'en 1988. Alors elle doit à nouveau se trouver des alliés pour obtenir une vraie majorité. Quoi qu'il en soit, en 1993, elle est donc à nouveau désignée comme Premier ministre. Et Murtaza, lui, emprisonné, il proteste bien sûr de son innocence et rameute ses partisans qui fomentent des troubles, tandis que Benazir, dans un discours public, traite son frère de terroriste et affirme que la justice doit suivre son cours. Alors, un nouveau camp là, a été franchi, là. Hein. En effet, parce que ce frère lui pose de plus en plus de problèmes, et même à l'extérieur du pays. Et pourquoi ? Murtaza, je vous l'ai dit, a réellement été membre d'une organisation terroriste vraisemblablement financée par la Libye et la Syrie. Et à Washington, où l'on soutient Benazir Buteau, ça passe mal. Donc, elle est pratiquement obligée de prendre ses distances avec son frère. C'est ce que je pense, oui. Quant à Murtaza, qui reçoit beaucoup dans sa cellule, il s'en prend de plus en plus violemment à sa sœur, qui l'accuse de détourner l'héritage idéologique paternel. Ainsi, il affirme que Benazir a pactisé avec les militaires, ces hommes qui ont tué leur père. Il soutient aussi qu'elle n'a rien de socialiste et qu'elle a choisi le camp des États-Unis. Qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Bon, certes, Benazir n'est pas une gauchiste. Et certains de ses conseillers ont eu un parcours politique plutôt tortueux. Mais elle n'a pas pour autant renié les convictions qui étaient celles de son père. Enfin, pas toutes, en tout cas. En fait, je suis persuadé que cette querelle fratricide n'a rien à voir avec le monde des idées. Alors quoi? Zardari. Le mari. Monsieur 10%, qui a été jeté en prison après la chute de son épouse et ne retrouvera la liberté que lorsque Benazir deviendra à nouveau Premier ministre. Un mari qui, je vous le rappelle, n'a jamais plu au buteau qui l'accuse, non sans raison, de vouloir un jour supplanter ou au moins contrôler le clan buteau. Oui, sa fortune. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est Zardari et son fils aîné qui ont été placés à la tête du clan buteau et du parti. Bon, continuons. En décembre 1993, des milliers de partisans de Murtaza descendent dans la rue afin de réclamer la libération de leur leader. La police réagit brutalement. La police, il faut le rappeler, qui est alors sous les ordres du Premier ministre Benazir Bhutto. Bien entendu. Et il y a des morts ce jour-là. Et il y en aura encore d'autres, car de nouvelles querelles opposeront les partisans de Murtaza et celui de Benazir. Elles seront sanglantes. Benazir traverse donc une période très agitée, plombée par cette guerre fratricide, mais aussi par toutes les difficultés qui s'accumulent. Et franchement, ce deuxième passage au pouvoir est proprement calamiteux. Expliquez quand même. D'abord, pendant cette période de 3 ans, on note une nette reconnaissance des assassinats politiques, mais ce n'est pas tout. En relation avec la question afghane et le soutien apporté par l'ISI aux talibans, la contrebande, les ventes d'armes et le trafic de drogue, se développe considérablement tandis que monte l'extrémisme religieux. Le fondamentalisme. Afin de faire face comme elle le peut, Benazir se montre de plus en plus autoritaire et doit affronter à plusieurs reprises la Cour suprême qui retoque nombre de ses décisions. Et puis il y a toujours son mari dont elle a fait imprudemment un ministre des investissements, un poste qui lui permet de toucher pas mal de commissions. Ouais, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Moi aussi, d'autant que Zardari venait tout juste de sortir de prison, et qu'il avait justement été condamné pour des faits de même nature. Ouais, si encore elle avait été amoureuse. Ça ne semblait pas être le cas. Alors, je risque une hypothèse. Est-ce que dans ses malversations précédentes, Zardari avait fait de Benazir sa complice? Auquel cas, il lui aurait été possible de la tenir. Enfin, je ne sais pas, mais la suite est troublante, en tout cas. Un événement dramatique va ajouter au discrédit croissant du Premier ministre. Dramatique. Et combien? Écoutez bien. Murtaza a fini par être libéré de prison. Un jour de septembre 1996, à Karachi, son auto et celle de ses gardes du corps sont arrêtés par la police. Contrôle d'identité. Contrôle inopiné? Bien sûr que non. L'avant-veille, 2 bombes ont éclaté dans la ville et la police soupçonnait fortement les hommes de Murtaza d'avoir perpétré ce double attentat. Mais le frère de Benazir avait prévenu « Si on m'arrête, il y aura du grabuge ». Aussi, dès que les véhicules sont immobilisés, des coups de feu éclatent. La fusillade est intense. Résultat, Murtaza et 6 de ses partisans sont tués. Et immédiatement, on accuse Benazir d'avoir fait abattre son frère. Benazir ou son mari, Zardari. Et au fond, peu importe. Oui, mais votre avis alors? Je me borne à constater que cette intervention de la police dans ces circonstances avait vraiment l'allure d'un guet-apens. Cette mort, qui ressemble à un assassinat, affaiblit encore un peu plus Benazir Bhutto. Mais elle a une conséquence curieuse et inattendue. La Begum se réconcilie avec elle. Ah bon? Alors qu'elle avait choisi le camp de Murtaza, de son fils. Drôle de famille, non? Drôle de famille, oui. Y a-t-il quand même... une enquête judiciaire. Oui, mais 10 ans plus tard, les policiers impliqués seront absous. Cependant, les magistrats chargés de l'enquête retiendront que cette fusillade n'a pu se produire qu'avec l'autorisation des plus hautes instances de l'État. Benazir, donc. Ça me paraît clair. S'ajoute à cette grave affaire 2 faits qui vont précipiter la disgrâce de Benazir. Le premier est révélé par un journal britannique. Les Bhutto viennent d'acheter une luxueuse villa dans le Surrey. En Grande-Bretagne, donc. Alors qu'au Pakistan, tant de gens vivent dans la misère. Ça doit faire un effet déplorable. Et puis, il y a ensuite la révélation que Benazir et les siens essaient d'acheter des députés afin de disposer d'une majorité au Parlement. Cette fois, ce scandale, ajouté à tous les autres, est tel que le président pakistanais, pourtant issu du parti de Benazir, est obligé de la démettre de ses fonctions de Premier ministre. On est alors en novembre 1996. Donc tout juste 2 mois, c'est ça, après la mort de Murtaza. Hein. Et les déboires des Buteaux ne font que commencer. D'abord, Azif Zardari, accusé d'être à l'origine de l'assassinat de son beau-frère, est jeté en prison. Ensuite, il est aussi mis en cause dans plusieurs affaires financières. Toujours des pots de vin. Et autres commissions. Mmh. Et ce sont des sommes faramineuses qui ont été détournées. Je ne donnerai qu'une estimation avancée par le Wall Street Journal. Le couple Buteaux aurait amassé entre 100 millions et 1 milliard et demi de dollars en commissions et bakchich. Des sommes placées dans plusieurs pays. Et en Suisse, j'imagine. Bien sûr. Mais les autorités pakistanaises obtiendront le gel de ce pactole suisse. Quant à Benazir, après avoir été débarqué pour la deuxième fois, elle trouve plus prudent de s'exiler à Londres. Parce qu'elle est également poursuivie ? Naturellement. Mais elle n'a pas renoncé à entrer de nouveau dans l'arène politique. Malgré les casseroles. Malgré les casseroles, oui. Elle compte sur son charme et elle est sûre de compter encore des partisans chez elle, et en particulier dans son fief du Sindh. Et puis, surtout, elle se rend compte que l'évolution de son pays joue en sa faveur. Quoi, le désordre, les troubles de plus en plus nombreux fomentés par les islamistes. Et le raidissement progressif de la dictature militaire du nouveau numéro 1, Pervez Musharraf. Une situation qui inquiète de plus en plus Washington. Et c'est pourquoi Benazir Buteau apparaît comme une alternative crédible, et qu'on imagine cette solution boiteuse, le partage du pouvoir entre le général président et Benazir. Et sous la pression de la Maison-Blanche, ça commence par cette amnistie que décrète Musharraf en sa faveur. Mmh. Elle peut donc revenir chez elle. Eh oui, mais ce faisant, on la condamne à mort. Dans un numéro de la revue Croissance de 1998, Jean Piel analyse ainsi le destin de la famille Buteau. L'histoire de la famille Buteau ressemble donc à celle de ce Pakistan qui, 50 ans après son indépendance, n'a toujours pas trouvé son unité. Une famille de propriétaires terriens, dans un pays féodal, une famille enrichie par la corruption, sport national, une famille qui, comme le veut la vie politique, se complaît dans les intrigues et les complots. Mais si les Buteaux symbolisent le Pakistan, l'avenir du pays est sombre, car rien ne va plus pour la dynastie. Le père et les deux fils sont morts, Azif Ali Zardari est en prison, inculpé de complicité dans le meurtre de son beau-frère, Benazir est à Londres et rien ne dit qu'elle reviendra à Islamabad, un mandat d'arrêt ayant été délivré à son encontre par la justice pakistanaise. Tous les avoirs des Buteaux ont été saisis et leur compte bancaire en Suisse, sur lequel se trouve plus de 14 millions de dollars, gelé. Au point que Benazir se plaint de ne plus pouvoir payer l'école de ses enfants qui vivent à Dubaï avec leur grand-mère malade. La famille Buteau était auréolée par sa lutte contre la dictature militaire. Aujourd'hui, elle fait partie de ces 200 familles qui ont pillé le pays pour leur seul profit et dont la population ne veut plus. À la différence des Gandhi, en Inde, les Buteaux ne sont pas aimés au Pakistan. Ils ont fait trop de mal au pays. Leur nom n'est plus source de légitimité, estime Hazar Abbas, journaliste au Dawn, un quotidien de Karachi. Mais, selon un diplomate européen à Islamabad, Benazir est trop combatif pour être éliminé un jour de la scène politique pakistanaise. Mais ce texte date donc de 1998, et pour son malheur, Benazir tentera un retour chez elle en 2007. Enfin, je vous signale la parution toute récente d'une autobiographie de Benazir Buteau chez Héloïse d'Ormesson, et ça s'appelle « Fille de l'Orient ».